Il y a toujours une mauvaise mentalité dans la literie. Ah bon? Ah, ça, je ne peux pas dire qu'il y a une bonne mentalité. Je ne sais pas, dans les petites boîtes. J'ai travaillé à temps perdu dans les petites boîtes, chez Métandidier, à Matincourt. J'ai travaillé chez Charmaï, ou Charmaï. J'ai travaillé pour Paul Hélère. J'ai travaillé pour tout le monde, quoi. Oui. Mais vous faisiez les instruments à la maison, alors? Oui, ici. Parce que ici, c'était la maison qu'on a mis à. Ah oui, d'accord. Alors, je travaillais chez Thibouville. Et puis alors, toutes ces grosses boîtes-là, quand il y avait du travail, on vous faisait travailler. Quand le travail ralentissait, on vous foutait dehors. Ben bon. Alors, moi, j'allais travailler chez les paysans, j'allais travailler n'importe où, j'allais travailler chez Jean Delamotte en cours. Puis un beau jour, il y a quelqu'un de la maison qui dit, ben, on tire pas chez nous.